bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Antenne Dimanche. Vous êtes sur Antenne 87, 14h passées de 30 minutes. Un nouvel épisode d'Antenne Dimanche se prépare. Et là, je suis accompagné de Vinvin. Bonjour Vinvin. Bonjour Loïc, bonjour à tous et à toutes. Allez, commence bien. Ouais. Tu peux retourner te coucher. Et trébucher. Oui. Et bonjour Malvin. Bonjour. Malvin, ça va bien ? Qui est avec nous. Mais oui. On a un invité. Ben oui, on a un invité. Une invitée. Allez, je vais commencer. On a une petite musique d'ambiance. Ça te convient ? Ça me va pas. Ça va ? Allez. Oyez, oyez, bons gens et nobles esprits, qui par les airs vagabonds des ondes radiophoniques est-ce ce jour assemblé. En la verte terre demeure, là où les vents murmurent aux pierres antiques, se dresse depuis moult siècles l'église Saint-Martin. Humble et fière à la fois, gardienne des prières, des larmes et des espérances des hommes. De ses murs romans et gothiques, peints de couleurs jadis flamboyantes, surgit la fresque étrange du dit des trois morts et des trois vifs, miroir terrible et doux de notre condition mortelle, rappel salutaire que tout orgueil se fane comme fleur de mai. C'est beau hein, ce que je dis hein. C'est beau. Or, par la grâce de femmes et d'hommes de bonne volonté, la fabrique de l'église demeure veille, jour après jour, nuit après nuit, à ce que ce trésor ne s'engloutisse point en l'oubli. Et pour nous conter cette noble aventure, nous avons l'honneur et la liesse de recevoir en notre studio Dame Nathalie Dano, présidente de la fabrique, gardienne des clés et de la mémoire de Saint-Martin-de-Meure. En cette émission, nous vous convions à franchir le seuil du temps, à ouïr l'âme des pierres et à rencontrer ceux qui, aujourd'hui encore, font battre le cœur de cette église millénaire. Soyez les très bienvenus en la maison de Saint-Martin-de-Meure. Bonjour Nathalie Dano. Bonjour. Alors Nathalie, voilà, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu maintenant. Hein. Oui. Je t'ai présenté comme donc la présidente de la fameuse fabrique de l'église Saint-Martin de Meure. C'est cela. C'est cela. Dans le studial. Oui, j'étais en train de chercher ces Meure Verdé, c'est ça ? Oui, Meure Verdé. Ouais, d'accord. Okay. Mais on a deux églises. Il y a deux églises, du coup. Il y a l'église de Meure et l'église de Verdé. D'accord. Ah, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule pour les deux. Et là, on est à Meure. J'apprends des choses déjà. C'est bien. Ah, toi ? Donc, dormir moins con. Très chère Nathalie, on va découvrir cette église, mais principalement cette association qui a pour but de faire vivre et faire redécouvrir cette église qui nous cache de merveilleux trésors. Donc on va parler de cette association qui a pour but donc de faire redécouvrir des petites pépites et puis de l'histoire de la Genèse, hein, de comment on a pu découvrir ces petites pépites, on va y revenir. Et puis ce que vous faites aujourd'hui, parce que tu n'es pas toute seule dans cette association-là, vous êtes plusieurs à contribuer à développer et à refaire découvrir ce patrimoine. Donc tout le long de l'émission, on va redécouvrir tout ça. Mm-hmm. Et puis on va partir un petit peu en musique et on revient voir notre invité juste après. Ça te va, Nathalie ? Ça me va parfaitement. Allez, c'est parfait. Eh bien, c'est très bien. Alors là, on part pas au temps médiéval, à moins que dans les années 70, moi j'ai un doute. Hein. On part avec Alain Turban, Statue de chair, un de ses premiers albums qui est sorti en début de carrière. Et après, un petit peu de reggae avec Bob Marley, Coming in from the Cold. 2020, oui. Comment qu'on fait ? Venir dans le froid, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Comment qu'on fait pour les dédicaces ? www. Ah oui. Antenne87.fr. Important.fr. Oui, oui, très important. L'onglet participer et vous déroulez le petit psh, et vous laissez la petite barfouille. Le petit quoi ? La petite barfouille. Ah, c'est le petit psh, c'est bien dit. Le psh, psh. On a reçu un message, il me semble. Oui, oui, oui, Thierry qui s'est levé de bonne heure apparemment. Un bonjour aux auditeurs de cette radio. Merci Thierry. Merci beaucoup. Allez, comme promis, on repart tout de suite en musique avec Alain Turban, Statue de chair. 14h39, à tout de suite. Une statue de chair chaleur. Yes, sir. Cézanne, vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. Et voilà, on est toujours sur Antenne Dimanche en compagnie des Trois Affreux et notre invitée Nathalie Dano. Et oui, notre invitée, Madame Nathalie Dano, présidente de la fabrique de l'église de Saint-Martin de Meurs. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Alors Meurs, pour ceux qui ne situent pas, je parle bien sûr de Vervins. Merci. Non, mais c'est bien de le dire, excusez-moi. Mais bon. Donc Meurs, la commune de Meurs-Verdet, et là on est précisément à Meurs, donc une des deux communes qui est à côté de Cézanne, en direction de Paris, pour ceux qui ne situent pas encore. Alors l'église Saint-Martin de Meurs, plus précisément l'association La Fabrique. Très chère Nathalie. Allez, raconte-moi comment est née cette association, la fabrique de l'église Saint-Martin de Meurs. Comment elle est née et d'où vient cette motivation pour créer cette association? Allez, dis-moi tout. Alors, tout. On va revenir au début, donc on va remonter en 2012. Lors d'une demande d'un particulier de faire un baptême dans cette église de Meurs. Hélas pour elle, l'église était fermée au public depuis plus de 10 ans et donc dans un état, voilà, pas très accueillant. Donc elle me demande de l'aider donc à nettoyer cette église. Et c'est justement au cours de ce nettoyage que j'époussette la toile qui se trouvait sur le mur et que je raccroche le badigeon du mur de l'église. Et là, découverte, une couleur rouge apparaît, et là, ma curiosité aidant, avec l'autorisation de monsieur le maire, je me mets à gratter les murs avec un scalpel pendant 2 mois, et je découvre une fresque longue de 7 mètres de long sur 3 de haut. Ça, c'était ma toute première découverte. Grande surprise, évidemment, en n'ayant aucune connaissance des importances diverses de ces fresques, nous faisons appel à une restauratrice ouais. qui vient la voir et qui nous annonce que c'est un dit des trois morts et des trois vifs. Et de là, elle me dit il faut restaurer cette fresque qui était très importante et donc il faut que vous créez une association qui pourra faire des manifestations et des appels aux dons. Donc là, ok, l'idée se lance avec des habitants de la commune. On décide donc de créer l'année d'après la découverte en février 2013. Cette association, donc le choix du nom. Alors oui, c'est la fabrique, c'est quand même bizarre. Vous fabriquez quelque chose ? Non. Ah. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrique au Moyen-Âge, ça voulait dire le bâtiment de l'église. D'accord. Hein ? Donc il faut savoir que avant Vatican II, c'est-à-dire avant 1905, enfin la séparation de l'église et de l'État. Oui. Il y avait des gens, un petit groupe de personnes du village, plus un petit groupe de religieux qui œuvraient pour entretenir l'église et préparer des manifestations, des événements qui récoltaient les fonds des assises, oui. Voilà, des places comme ça se faisait à l'époque. Mmh. Et ça, ce nom. Je l'ai trouvé par hasard dans un meuble, un vieux meuble de l'église où il y avait un vieux registre de la fabrique Saint-Martin-Demeure. C'est un registre de comptes. Mmh. Ils énuméraient toute leur rentrée d'argent, toute leur sortie d'argent. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, l'idée, elle a été, pourquoi pas. Mais c'est original. Redonner c'est nom original, c'est bien. À l'ancienne association d'époque. Ouais. Hein, sauf que, en des termes anciens, le président, on appelait le Marguillier. Le Marguillier. Le Marguillier. Oui, le Marguillier. Mmh. C'était lui qui était à la tête. Et donc, t'es Marguillère. Et donc, voilà. De nos jours, c'est présidente. Voilà comment est née l'association. D'accord. Okay. Et tout ça à cause d'une demande de baptême. C'est ça, à la base. La demande de baptême de. La propriétaire du château. D'accord, de ok. Voilà. Oui, parce que pour situer l'église de Meur, beaucoup diront, oui, Meur, on voit où est Meur, on voit où est la salle des fêtes de Meur, on voit le village, mais on ne voit pas l'église, malheureusement. Hélas. Et oui, alors pour ceux qui ne situent pas l'église, vous voyez tous la station essence d'une très grande enseigne pétrolière, voilà. C'est ça. Et elle est juste derrière, oui. Malheureusement. D'accord. Et en fait, elle n'est pas mise en valeur. C'est bien dommage. Il faut vraiment prendre la rue du Château, je crois. Hein. C'est qui descend, là, un petit peu, la rue qui descend. Et là, on a ce superbe bâtiment dans un petit écrin de verdure. C'est vraiment un petit îlot de verdure. C'est ça. Ouais. Et vraiment caché, c'est dommage. Oui. Bien, on connaît déjà quand est-ce que ça a été. Donc 2012, hein, elle a été créée. Enfin, non. 2012, la découverte. Février 2013. Voilà. L'association est créée. Et petite question, qu'est-ce qu'ont pensé les habitants lors de la découverte de la fresque ? Parce que je pense que ça a dû provoquer un certain émoi quand même dans le village. Oui, il y a eu du positif et il y a eu du négatif. Ah. Il y a eu du positif pour moi. Il doit y avoir des conservateurs qui disent il ne faut peut-être pas toucher au bâtiment ou des trucs comme ça, certainement. C'est ça, oui. C'est ça. J'ai eu des habitants qui étaient natifs de la commune. Qui se demandaient pourquoi j'avais osé toucher à l'église de Meur. Pour eux, je n'étais pas, légitime. Légitime, oui. Légitime, légitime. Étant donné que j'étais une habitante, mais venue d'ailleurs, quoi. Mm-hmm. Et bon. Mais ce qui est dommage, parce que ça rend l'éclat d'origine du bâtiment. Et il y avait une, comme je disais en intro, il y a un trésor, il y a une petite pépite qui est cachée sous. C'était quoi ? C'était la chaux qui avait été. C'était la chaux, voilà. La chaux de l'époque qui avait été apposée à la fin du. Enfin, début du 17e. Quand il y a eu une réforme de l'église qui demandait à toutes les églises de recouvrir toutes ces fresques qui devenaient païennes. Ah oui. D'accord. C'est ça. Ah, c'est pour ça. J'allais vous demander, mais voilà. La réponse a été donnée avant la question, c'est bien. Bien, merci Nathalie. On va revenir, on va peut-être faire une petite pause musicale et puis on va revenir sur cette histoire et puis on va rentrer un peu en détail sur cette fresque et puis sur l'histoire de l'église et toutes ces petites pépites parce qu'il y en a d'autres en fait. Tout à fait. On va continuer à gratter. Justement, sans scalpel, voilà, sans on scalpel. Va continuer à gratter. Vinvin, est-ce qu'on a reçu des messages? Oui, on a reçu un message de Claude, bravo, un habitué. Oui. Bravo à l'équipe d'Antenne Dimanche pour cette belle émission encore. Merci beaucoup Claude, c'est tout. C'est tout pour le moment. Eh ben, c'est déjà pas mal. Allez, on va repartir en musique avec Brand New Cadillac. Oui, on te l'offre, Vinvin. Et après, on aura... C'est bon, ça. Crystal Gazing, que vous avez entendu très récemment, qui est souvent revenu en demande pendant l'émission du dimanche. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Come on. sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Vous écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. Et de Sézanne à Vitry-le-François et vice-versa, bien sûr. Allez, vous êtes toujours sur Antenne Dimanche. On va passer à la deuxième partie de l'interrogatoire musclé. Nous avons les moyens de vous faire parler. Voilà, nous avons les moyens de vous faire parler. Ça prend les moyens. Bien, nous sommes toujours avec notre invitée Nathalie Dano, qui est la présidente de la fabrique de l'église Saint-Martin de Meurs. Et avant de rentrer dans le sujet, donc toutes ces petites découvertes que tu as pu faire, Nathalie, parce qu'il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes quand même. Il n'y a pas que cette fresque, il y a plein de choses. Mais avant de rentrer dans ce détail, on va parler de l'église. L'église en elle-même. Oui. Alors, elle date de quand? Raconte-nous l'église, l'histoire de l'église. De quel style? Ouais, le style, l'époque, à qui elle est, comment elle est, elle a été comment, enfin voilà, dis-nous tout. Alors, de ce que je sais, diverses personnes qui sont quand même des prêtres, tout ça, qui sont venus, m'ont donné un peu des infos sur l'architecture, sur différentes explications, sur du mobilier, sur des choses comme ça. Elle aurait des restes d'une église romane du 12-13e siècle, mais principalement il y a eu une période de reconstruction après la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire au 16e, où là on voit justement à travers l'église les différentes représentations des murs, le style gothique qui commence à apparaître, la surélévation de l'église, le prolongement de l'église, pour en arriver à ce que, à la base, elle était peut-être une petite chapelle attenante au château qui se trouve à côté, et qui, à travers les siècles et l'importance du village qui devait s'agrandir, est devenue progressivement une église. C'est vrai, quand on est à l'intérieur de l'église, on voit vraiment ça, elle a cette particularité d'être en deux morceaux, deux niveaux. Oui. Voilà, on a vraiment cette première partie, style un peu bateau, si je me rappelle. En carène de bateau, c'est la voûte. Ouais. Ouais. Et puis on a la deuxième partie qui est un petit peu plus large et qui doit être la plus ancienne, certainement, et qui est surélevée de deux marches, c'est ça. Ouais, elle est assez impressionnante. Alors, la chapelle, oui, elle devait certainement, à cette époque-là, à cet endroit-là, elle a beaucoup été surélevée et agrandie. On voit à travers des poutres, des raccords de murs, justement, ces différentes étapes de sa transformation. Ouais. Et donc, elle appartenait sans doute, apparemment, au château qui est à côté. Alors, pas le château actuel, parce que château actuel, lui, est beaucoup plus récent. C'est une demeure bourgeoise qui a été reconstruite sur les ruines de l'ancien château au 19e. D'accord. Elle est 1876, exactement. Ok. La bâtisse. Bien, bien. On en sait un peu plus. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Non, hein. Ah oui, oui. Ça te rappelle ta jeunesse, toi? Oui. Ouais, j'ai pensé aux perfusions, tout ça. Bien, alors, on a survolé donc l'histoire de cette église. On en sait un peu plus. Et sur cet agrandissement, donc cette deuxième partie là qu'on parlait, qui est un petit peu plus, basse, oui. On a cette fresque. C'est ça. On a cette fresque qui s'appelle Le dit des trois morts et des trois vifs. Alors, dit, qui veut Alors, dire Alors, dit ou dicte. Ou dicte, qui veut dire la légende. Ah, oh, c'est beau. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette fresque? Alors, évidemment, je me suis fait expliquer par une restauratrice en peinture murale, ce qu'était un dit des trois morts et des trois vifs. Donc, c'est une morale du Moyen-Âge qui raconte la rencontre de trois morts et de trois vivants. Donc les morts sont dans leur cimetière et les vivants, eux, sont à la chasse avec leurs oiseaux, les faucons, les petits chiens. Et on a au centre une croix de cimetière qui symbolise les deux... Les deux mondes. Les deux mondes. Les deux mondes, ouais. Okay. Le monde des morts et le monde des vivants. et on a une concordance, c'est-à-dire que dans la partie du cimetière, nous avons trois morts, et dans l'autre partie, trois vivants. Et ces morts s'adressent aux vivants en leur disant « Faites très attention à vous, si vous continuez à votre vie frivole, votre vie à vous amuser, à vous détourner de l'Église, vous n'irez pas au paradis, mais finirez comme nous, enterrés dans un cimetière, comme Des malpropres. Oui, des malpropres. Et vous finirez en état de décomposition. Voilà. Donc, okay. C'est la morale de cette fresque. Déjà à l'époque. On avait déjà cette morale à l'époque. Aujourd'hui, on le dit aussi. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Oui, par exemple. Ouais. C'est à peu près, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Et j'ai une petite question, moi. Il y a une estimation de cette fresque. Comme ça, je ne sais pas si ça existe. Une estimation ? Mais je ne sais pas, le fait que vous ayez financière, découvert ça. Financière, tu veux dire ou peut-être pas, mais par le... l'église et tout ça, non ? Alors, il y a une datation, surtout. Datation. Une datation, les restauratrices, de par les vêtements des cavaliers, donc des trois vifs, on peut me donner une date approximative 1520-1530, parce que le cavalier principal porte la tenue de François Ier. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'elles datent les fresques. Et ça n'a pas remonté au parc. Je sais pas, moi j'exagère, mais Vatican, toi, des gens qui disent là-bas en haut, tiens, vous avez découvert une fresque, on est curieux, quoi, personne, non? Alors, c'est bien, pardon, parce que c'est bien. Trop vite. Non, au contraire, c'est ce que tu fais l'enchaînement, en fait, parce que allez-y. On a la représentation de cette fresque, ce qu'elle représente, et la morale. Mais pourquoi est-elle si elle est rare? Enfin, elle est rare. Plus trop, parce qu'on sait maintenant combien il y en a. Oui. Mais ça reste quand même... Dans le secteur, ça doit être rare. Rare dans le sens où elle est conservée. Alors, il faut savoir qu'il y a un livre qui est sorti sur les 10 des trois morts et des trois vifs, où des restaurateurs parcourent la France pour cibler les endroits où elle était représentée, mais très souvent dans toutes petites églises de village. Mais beaucoup sont représentés dans la région de la Bretagne, la région d'Alsace, mais après très peu, il y en a quelques-unes éparpillées à droite à gauche. Mais dans ces répertoires, il y en a qui n'existent plus que sur le papier. D'autres qui existent mais qui ne sont pas complètes. Il n'y a plus qu'un personnage ou usé ou très abîmé. Nous, à Meur, on a la chance, elle est complète, de l'avoir complète. Bon, il nous manque la croix de cimetière qui est un peu effacée, mais dans son entièreté elle est quand même bien conservée. Et combien y en a-t-il de répertoriés? Eh bien, une petite centaine. Petite centaine. Ah oui, il y en a quand même. Je pensais pas qu'il y en avait. En France. Mais dans la Marne, pour le moment, c'est la seule et unique. Et c'est toujours la même fresque? C'est toujours les mêmes dessins ou il y a des variantes? Des variantes, oui, exactement. Moi, j'en ai, pour ma part, je parcours la France justement à la découverte, à la recherche de ces fresques pour voir justement les similitudes ou pas, la façon dont elles sont représentées par les peintres qui étaient d'ailleurs itinérants. Tu parles des peintres, mais on sait qui l'a peinte, cette fresque? Non, elle n'est pas signée. C'était ma question. Dommage. Désolé. Elle n'est pas signée. Par contre, la technique, la restauratrice a reconnu la patte d'un peintre itinérant, mais professionnel, qui venait d'Italie. Et donc voilà, c'était. Et j'ai eu plus ou moins une deuxième confirmation lors de visite d'un couple italien qui en regardant la fresque, on dit waouh, elle ressemble à la technique de la fresque d'une église italienne dont je me souviens plus le nom. Mais donc ça a confirmé que c'était bien. Et le fait d'avoir une fresque dans une église de campagne, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça, Ça rejoint un peu ta question. Est-ce que ça a une valeur dans le sens où comment tourner la phrase? Ça a une plus-value pour la commune. Non. Ça amène une curiosité. Est-ce que c'est du fait qu'il y avait un seigneur qui avait un pouvoir, ou est-ce qu'il y a une particularité? Probablement. Déjà pour faire créer une fresque. Puis c'est ça. Que même toutes les autres peintures qu'il y a dans l'église à côté, il fallait que ça soit un seigneur fortuné. D'accord. Oui. Oui, parce que c'est un beau pavé quand même. 7 mètres, c'est ça? 7 mètres de long sur 3 de haut. Ouais, c'est un beau truc. Tu fais pas ça. Non. Même les panneaux publicitaires sont pas si gros. Non. Ouais, non, c'est clair. C'est quelqu'un qui a du. Une petite question. Est-ce que d'autres personnes, enfin, est-ce que des passionnés, des initiés avaient connaissance de cette fresque avant que vous la découvriez? Non. Personne? Non. Il n'y avait aucun registre qui pouvait... Non. Alors déjà, il faut savoir que tout ce qui... Des choses... Enfin, toute l'histoire de ce qui s'est passé avant la Révolution française, énormément de registres ont disparu, ont été détruits par les incendies et autres. Donc nous, même dans la commune demeure, on n'avait aucune idée que l'église avait cette fresque sur les murs. Il y avait quand même quelque part... une paire de croix de consécration qui restait apparente, mais on pensait que c'était les seules peintures. Vestiges. Les seuls vestiges de peinture. J'ai perdu le fil. D'accord. Voilà. D'accord, moi je pensais, je me suis dit, bon, est-ce que le fait d'être découvert, quelqu'un est venu, je sais pas, du sud, de l'ouest, j'avais eu écho de... Non. Alors les restauratrices m'ont bien dit que le badigeon de chaux qui était dessus était d'origine. Mmh. D'accord. Voilà. Donc personne n'y a touché. Ah oui, ça a bien tenu. Oui, ça a bien tenu. Là, on a parlé de cette fresque, dit des trois morts et des trois vifs. Donc, qui est une morale entre le monde des vivants et le monde des morts. Fresque impressionnante, on le redit, 7 mètres sur 3. Elle est rare, vu qu'elle est assez complète, elle est assez rare. Mais il y a d'autres choses dans l'église, il y a d'autres petites découvertes qui ont été faites. Et ça, on va le découvrir un petit peu après. J'ai juste une petite question qu'on nous pose. C'est Jeff. Oui. Est-ce que cette découverte est classée au patrimoine de France ou de l'UNESCO? Alors la fresque a été classée, les murs de l'église ont été classés de par les fresques qui se trouvent dans cette église en 2014. Mm-hmm. C'est un classement DRAC, monument historique, c'est tout. D'accord. J'aime bien. C'est déjà bien. Effectivement. C'est tout, mais c'est déjà bien. C'est tout, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'UNESCO, mais c'est clair que monument historique, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Oui. Bien. On découvre les autres petites choses juste après ce petite pause musicale. Tout à fait. On va repartir en musique avec Crève Misère et après un petit détour du côté du Québec avec Luc de la Rochelière, Cash City, que vous avez tous apprécié dimanche dernier. Et n'hésitez pas, on est en direct sur Facebook si vous voulez suivre l'émission aussi avec les images. J'ai fouillé un peu pour mercredi sur vos... J'ai pris le thème que vous avez pris, Canada-Québec, j'ai retrouvé quelques petites pépites aussi pour mercredi. Ça va être sympa. Allez, à tout à l'heure. Et le fardeau encore à chaque pas nouveau, menton à fleur de pierre, la vieille traîne misère et porte sa richesse. L'hiver écrase sa morgue et le vent joue à l'orgue avec ses jambes sèches. Lourde, lourde et la misère, plus lourde encore sous le joug de l'hiver. Le fagot à chaque pas devient un peu plus plat sur le dos de la vieille, mais elle ne s'arrête pas et reste peu de bois à trois pas de chez elle. Lasse, lasse était la vieille, plus lasse encore qu'au retour de la veille. Par le papier papier, huiler la porte dentelée, soint un coin de lumière. Et la vieille est entrée là pour se chauffer, immoler sa misère. Brûle bois mort, tu es là de misère. Chauffe plus fort ce qu'il reste de chair. Il n'en restait pas lourd et le feu tourna court aussitôt, flamme claire. Et la vieille oubliée sans retourner chercher son bois mort de misère. Dieu, la voyant, est peiné et gémir. Tant eut pitié qu'il crut bon d'intervenir. Réjouis-toi. Je t'inscris dans mon livre. Va, je t'accorde encore 10 ans à vivre. Yeah. Antenne 87 vous accompagne où que vous soyez. Retrouvez nos programmes, nos sélections musicales et toute votre ambiance sonore préférée dans une seule appli. C'est simple, allez dans Google Play et téléchargez l'application Antenne 87. Emportez votre radio partout avec vous. Oui, mais pas le poste, hein. Des fois la chaîne est filée. Bah, le fil n'est pas assez long. Ah non, le fil n'est pas assez long. Bon, 20-20. Oui. 20-20, tu étais en train de causer là. Oui, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Mais c'est bien parce que tu posais des questions intéressantes hors antenne. Et j'ai dit, c'est dommage. Vous êtes en train de débattre sur ce que l'on parle depuis 14h30. L'église de Saint-Martin demeure. Et personne ne l'entend, ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, parce que c'est la curiosité. On a envie de savoir comment... Parce qu'un truc comme ça, rien que quand vous l'avez découvert, vous n'avez même pas osé y toucher. Du coup, vous avez appelé quelqu'un quoi, pour commencer à gratter, pour commencer... On ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, t'as commencé à gratter, t'as découvert des petites choses, puis après t'as appelé le maire et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Marteau et bureau. Non, c'est des bêtises. Raconte l'histoire. C'est complètement l'inverse. Donc, comme je vous ai expliqué au début de l'interview, c'est au hasard d'un nettoyage que donc j'ai vu les premières couleurs rouges apparaître. Donc, suite à ça, j'ai pris aval de mon maire, de la commune, pour lui expliquer que j'avais vu de la couleur et que je désirais gratter les murs de l'église qui n'étaient pas classés et puis découvrir si ce qu'il y avait derrière cette chaux. Et donc j'ai entrepris avec un scalpel, une petite brosse à dents, grimper sur un escabeau, c'est pas bête, de gratter les murs de cette qui se trouve dans la nef et de voir ce qui se trouvait là-dessous. Et au bout de 2 mois, grande surprise, une fresque donc de 7 mètres de long sur 3 de haut apparaît. Et là, donc, j'en réfère à monsieur le maire qui croyait que j'avais abandonné l'affaire. Et je le surprends en lui montrant ces trésors picturales qui jonchent le mur de l'église. Et là, les grandes questions se posent. Est-elle importante? Doit-on la sauver? Ah oui, ça doit tourner quand même, là, sévèrement, là, dans la tête. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? De là, on fait appel à la DRAC qui nous donne des références de restaurateurs qui, eux, sont censés connaître cette histoire, enfin, ce motif de fresque, parce que moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et donc, la restauratrice me dit, parce que avant de se déplacer, de lui décrire ce que je vois devant moi, et en lui invoquant simplement l'histoire des trois hommes à droite et des trois hommes à gauche. Ah oui, parce que vous l'avez fait dans le plus... Dans le respect de la procédure. Non, puis sans savoir, quoi. Mm-hmm. Oui, il y a trois hommes d'un côté, c'est tout ça. Alors, il faut savoir quand même que quand j'ai gratté, j'avais quand même regardé un peu sur l'Internet, les techniques qu'elles employaient, comment elles s'y prenaient, et j'ai été respectueuse, m'ont-elles dit, de la fresque. Je n'ai pas fait de bêtises. Quand je n'arrivais pas à décoller la chaux, je la laissais tranquille. Mais on voyait très très bien la scène, même si elle était souillée encore un petit peu. Parce qu'on parle quand même d'un collage de chaux qui date de... Qui a été fait 1520, tu dis. Non, mais la chaux a été faite La Révolution. Début du 17e. Oui, donc ça fait 1600, t'imagines un peu. Elle m'a expliqué que la fresque avait été apparente 200 ans. Oui. Quand même. C'est pour ça que ça m'impressionne, c'est que ça n'est pas marqué. Pas l'histoire, mais je veux dire, c'est marqué nulle part, il n'y a aucune trace. Mais non, parce que les registres ont été détruits. Alors, soit comme tu disais, Nathalie, soit à la Révolution, mais après, on a eu des guerres aussi dans notre secteur. Oui, mais même à l'extérieur, tu vois. Ah oui. C'est quand même des fresques, il y en a quand même qu'une centaine en France, donc c'est quand même quelque chose de connu. De connu, De connu. Oui, parce qu'il y en a, elles n'existent plus que dans le papier. Ou alors, elles ne sont pas encore découvertes. Ou alors, elles ne sont peut-être pas encore découvertes. Donc, on va gratter tous les murs de chaux de nos églises de fraises. Vous savez ce qu'il vous reste j'ai eu, c'est vrai que quand j'ai découvert cette fresque, j'ai eu des sollicitations de maires. Venez voir si on en a dans notre église. Oui, c'est sûr. Voilà. Vinvin, tu, hors antenne, tu parlais de restauration. C'est savoir qu'est-ce qu'on prend comme la couleur, elle est de 1520. Comment on fait, quoi? On ne peut pas mettre n'importe quoi, de la gouache ou quoi que ce soit, quoi. Si on veut restaurer, il faut. Voilà. Non, mais je dis ça. Pas parce qu'on est dans une ancienne école. Non, mais je pense que. C'était quoi la peinture de ces années-là? On ne sait pas. Si, on sait. Peinture à l'huile, ce pas moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, quand on dit fresque, c'est. Oui, le principe de la fresque que tu nous racontais. Parce que toutes les peintures murales dans les églises ne sont pas des fresques. Hein. Mmh. C'est la méthode employée par le peintre qui permet de la classer en fresque. C'est-à-dire que cette technique de meso fresco qu'on appelle, c'est un enduit frais qu'il a, le peintre appliquait sur le mur, et aussitôt appliqué, il peignait son décor rapidement, hein, pour se servir de l'humidité, parce que dès que le badigeon séchait, c'était figé. Comme une photo d'un seul coup. Il fallait être rapide, en fait, vraiment, pour faire toute la fresque. Alors, il réhumectait quand même. Ouais. Hein, mais on a quand même, justement, à côté de cette fresque, des personnages, justement, où on voit que le badigeon a été trop sec. Et du coup, les détails n'ont pas été conservés, comme le dit des trois morts et des trois vifs. Mais il faut dire aussi que la dimension fait que... s'il était tout seul, quoi, 7 mètres par 3, faut y aller, quoi. D'ailleurs, vous pouvez en voir un extrait direct sur Facebook. Ah, tu l'as mis ? Vous avez l'extrait sur l'image de direct. Vous pouvez le voir. Quand on parle de restauration, est-ce qu'on retouche au pigment ou c'est vraiment la mise en valeur où on enlève la chaux ou est-ce qu'on retouche les couleurs? Alors, moi, sans me vanter, j'ai eu la chance que j'ai réussi à enlever le plus possible de chaux sans abîmer la fresque. Et il restait vraiment que des petits mouchetis de chaux qui encrassaient le mur. Oui. Donc les restauratrices, quand elles sont venues, elles ont gratté plus profondément pour la nettoyer proprement. Après, elles la nettoient avec de l'eau déminéralisée pour faire tomber les poussières. Elles la tamponnent, elles l'essuient bien et tout. Et après, elles mettent un produit incolore qui la protège des UV, qui la protège de l'humidité. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'humidité, on n'est pas à la même époque, donc ça doit être agressif. Il n'y a plus la chaux qui la protège. C'est incolore et personne ne voit qu'elle est protégée en dessous. Ouais, mais elle n'y a pas touché, si on veut, elle n'a pas repeinte. Voilà, c'est ça, on ne rajoute pas de pigments. Ouais, elle a simplement fait des petites retouches, mais vraiment minimes, parce qu'il y avait une fissure du mur. Qui passait dans un bras du cavalier qui choquait un peu à l'œil parce que on voyait la fente. Donc elle a rebouché la fente et elle a mis la couleur. Elle fait des essais de couleurs, hein, parce que c'est des mélanges de chaux, de pigments, de les couleurs c'est du pigment, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que tu disais, les couleurs elles sont issues de quoi? Alors c'est des pigments naturels, hein. Ouais. Il faut savoir c'est qu'autour de Cézanne il y a justement des endroits où les roches dans le sol permettent d'avoir des couleurs. Donc elles puisaient ces roches. Alors il y avait des roches un peu rouges, des roches un peu jaunes, et ils les pilaient et fait de la poudre, et ils se servaient de ça pour faire du pigment. Pour peindre. D'accord. C'est un truc. Ouais, mais enfin, à l'époque. Ah ouais. Hein, t'avais pas les outils qu'on a maintenant, quoi. Ah non, non. Aujourd'hui, t'achètes ta peinture. Ça devait pas être simple, hein. Mais la preuve, ça a tenu quand même vers 1500, la fresque date. 1520, ouais. 1520, ouais. Aujourd'hui 2026. C'est pas la peinture qu'on achète à la quincaillerie du coin. Hein. Mais heureusement, la chaux l'a protégée. C'est ça. Oui. On a cette chance-là, c'est que la chaux a protégé pendant. Et que l'église n'a pas subi de guerre. Oui. Oui. Ah bah j'allais vous demander, elle n'a pas subi 14-18 ou 39-45? Non. Pourtant les Allemands, ils étaient dans le château, mais il n'y a pas eu de bombardement ou de choses comme ça. Contrairement à ça, certainement encore des chefs-d'œuvre vont partir en fumée pendant cette guerre-là. Hein. Certainement. Mm-hmm. Un paquet, je pense. C'est sûr. Et bien. Parfois des restaurations de communes qui voulaient que les murs soient à peu près remis d'aplomb. Ils badigeonnaient leurs murs avec du ciment, et malheureusement le ciment mange les fresques. Ah, et j'allais dire ça, ça doit être nous, agressif, on a Il y a de la chaux. Ouais. Nous, on a conservé les murs d'origine. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous avez des bosses, des creux, vous voyez comment ça a été appliqué. Et c'est ce qui fait son charme, l'originalité de l'église et l'authenticité surtout. Non, c'est une très belle église, j'ai pu voir les images. Ouais, ah oui, elle est très jolie. Hein. Une très belle acoustique d'ailleurs. Ah, tu l'as pratiquée déjà ? Oui. Ah, d'accord. Pour justement la nuit des églises. C'est ça. C'était cette l'année dernière. C'était pas cette année. Non, c'était l'année dernière. Non ? Cette année. Oui, oui, bah oui, l'année dernière, on est déjà en 2026. Bonjour Malvin. Oh là, je fais... Ça va bien se passer. Allez. Oui. Allez, je vous propose de faire une petite pause. Il est déjà 15h27. On fait une petite pause. Et après, on passe au bafouille. Hein, ah oui, parce que sinon, après, je vais être noyé. Il y en a quelques-unes. Oui. Ah, bien. On va faire une petite pause, voilà, pour l'équipe. Et on se retrouve tout de suite après. Yes. Allez, on part en musique, bien sûr, avec Laurent Voulzy et Les Nuits sans Kimono. A tout à l'heure. Et voilà, c'était Laurent Voulzy avec les Nuits sans Kimoïd. Quelle affaire. Ah ouais, quelle affaire. Hein. Elles sont tristes. Ouais, tu dois t'ennuyer. Hein. Bah oui, quand même, un peu. Oui, tu crois? Allez, on vous bon, est toujours, disons à cette époque. Vous êtes toujours sur Antenne Dimanche. Il est déjà 15h passées de 34 minutes. On est ensemble jusqu'à 17h. Et aujourd'hui, notre invité, comme on vous l'a indiqué en début d'émission, c'est Nathalie Dano de La Fabrique de Meurt-Verdet. C'est cela. J'ai pas dit de bêtises. Pour une fois. Il en manque un bout, je crois. Présidente. Présidente. Oh, s'il vous plaît. C'était quoi le terme ancestral? Marquis. Qui? Marguillier. Voilà. Marguillère. Voilà, c'est une marguillère. C'est la marguillère. La marguillère. Allez, Nathalie Dano, présidente de l'association La Fabrique de l'église Saint-Martin de Meurt. Donc Meurt, on resitue Meurt, qui est à côté de Cézanne, en direction d'Esternay. Charmante petite église de Saint-Martin, dans ce petit écrin de verdure, juste derrière une station. Eh oui. Mais faut le dire, parce qu'on la situe pas. Station sinon... réputée. Mais oui, une station de carburant fortement réputée. Juste hein? À côté de l'ancienne mairie, école surtout, et du oui. Château. Oui, mais on voit que la station, malheureusement. C'est ça qui est dommage. Faudrait déplacer la station. Oui, ben, la mettre de l'autre côté. Il y en avait une autre de l'autre côté, fut un temps. Hein. On devrait la basculer de l'autre côté, mais bon. Ah oui. Non, bah, parce que c'est une bonne idée. Si c'était inscrit au patrimoine, oui. Si c'était au bâtiment de France ou au patrimoine, ils étaient obligés de déplacer la station, vu que c'est dans le périmètre. Ouais, je suis pas sûr qu'elle y ait déjà. Bon, enfin bref. Oui, elle est monument historique. Ah. Eh oui. Mais elle a été classée après. Ah. Eh oui. Et la station est là depuis. Ouf. C'est ça. Ça fait un bail. Hein. Eh oui. Autant de la fresque. Oh. Depuis, non, peut-être pas. Donc cette charmante petite église qui a pas mal de petits trésors. Donc la fameuse fresque remarquable j'ai perdu le nom, dit des trois morts et des trois vifs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres peintures, il y a d'autres... il y a du mobilier. Et juste avant de reprendre l'antenne, tu nous parlais, Nathalie, de la cloche. Oui. La alors, cloche, parce que bon... On parle pas de 20-20, hein. On parle de la cloche qui est dans le clocher. Tiens, alors, ça faisait longtemps. Ça. Ouais, ça faisait longtemps. Vous n'avez pas manqué. Alors la cloche, qu'est-ce qu'elle a de particulier de cette cloche d'église? Alors il faut savoir sonne, donc, déjà que... bon. Elle sonne toujours? Après avoir gratté les murs de l'église, ma curiosité naturelle a fait que je me suis intéressée au bâtiment dans son entièreté. Ouais. Donc j'ai fouillé un peu partout, à droite, à gauche. Donc j'ai fait des trouvailles historiques. Et donc je suis également montée à l'aide d'une échelle et de cordes voir la cloche. Parce que j'aimais voir ce qu'elle pouvait représenter. Toujours sans document en support. Toujours sans document. Voilà, tu dis que tu as retrouvé du mobilier ou des fresques ou des petites choses historiques, toujours sans documents. En fouillant. En grattant, fouillant. Voilà. Tu tombes sur des choses qui te paraissent peut-être banales, mais si on gratte un peu... Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un prêtre, enfin le père Paul Royer de la chapelle Lasson, oui. Qui m'a dit, voyez Nathalie, cette petite église qui était un peu à l'abandon, il suffisait de s'en occuper pour qu'elle vous dévoile ses trésors. C'est bien dit. C'est beau. Mmh. Beau. Ouais. Et donc, le trésor, il y a la fameuse cloche. Donc, dans ces trésors, il y a la fameuse cloche qui date de 1529. Donc, même époque que la fresque, à peu c'est près. C'est ça, à peu près. Donc, on peut supposer ou pas que ce soit le même seigneur qui l'ait offert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, et même toujours encore maintenant, il y a le petit hameau des Bordes qui fait partie intégrante de la commune et qui avait lui aussi son seigneur et son château. Et est-ce que justement, en accord avec le seigneur de Meurt de la même époque, est-ce qu'ils ne se sont pas partagés, si vous voulez, le fait d'entretenir et de décorer l'église et d'offrir des choses pour leur église du village? Donc cette cloche, donc je monte la voir, je la nettoie et je la photographie et je découvre dessus une inscription qui fait son pourtour. Par contre, là où là, je reste béate, c'est que bah, cette inscription, elle est écrite en chiffres, en lettres gothiques, enfin vieille écriture, voilà, gothique, latin, enfin voilà. Mm-hmm. Et je n'arrive pas à déchiffrer le texte. Puis une date également écrite en chiffres romains. Et donc, je me fais aider par des spécialistes en écriture ancienne qui me dévoilent que c'est le Seigneur Jean-Jacques Desbordes qui offre qui dit moi, Seigneur Desbordes, j'offre cette cloche à mon village, quoi. Mmh, mmh. Et la date de 1529 inscrite dessus. Voilà. C'est beau, ça. Donc une cloche qui n'a pas été touchée, heureusement, à la Révolution. Mm-hmm. De par sa protection dans son clocher, où il n'y a qu'une minime ouverture à l'intérieur sous le clocher, et qu'on ne peut pénétrer qu'étroitement. Ouais. Donc une cloche qui a dû être mise en même temps que la fabrication du clocher au XVIe, mm-hmm. et enfermée, et du coup, ça l'a sauvée, quoi. Elle aussi, sauvée. Oui. Encore une fois. Ah. Et on sait où elle... Excuse-moi. Ouais, vas-y. On sait où elle a été... Fondue. Ouais. Alors, j'aime énormément, moi, à chercher des preuves, des traces historiques, un peu tout ça. Donc, comme je savais qu'en France, il y a un endroit qui s'appelle Villedieu-les-Poêles, qui font des cloches. Hein. Mm-hmm. Et donc, je les interpelle et je leur demande, par rapport à mes infos que j'ai, s'ils ont vent d'avoir fondu cette cloche demeure et si elle a un nom ou pas. Et là, je leur indique donc par rapport aux descriptions, voilà, la description du texte, qu'elle est de 1529 et que apparaît un nom de personne. Et là, elle me dit très étonnée, oh là là, c'est merveilleux d'avoir une cloche aussi ancienne, mm-hmm. dans votre église. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fondue, parce que nous on débute que fin 17e, 18e à fondre des cloches. Donc, il m'indique que sur ces cloches-là, il n'y avait que le nom du donateur, et qu'elle avait été certainement fondue sur place. Directement. Oui. Et on n'a pas de traces de... Mais comment ouais. on fait pour fondre sur place? Alors, il faisait des trous, hein, dans le sol, énormes ouais. trous. Il faisait comme un moule, quoi, si ouais. vous voulez. Mm-hmm. Et puis, il fondait dedans. La cloche dedans. Et on n'a pas... Ouais, non. Et non, je n'ai pas retrouvé... Parce que derrière cette église, autrefois, il y avait le cimetière, mais le cimetière a été déplacé en 1769 pour construire la mairie-école. Mm-hmm. Hein? Déplacer un cimetière, wow, ça ouais. va être... ouais, ouais. Donc, ils l'ont mis de l'autre côté de la Nationale 4. Et donc, il y a eu des tas de remblais, des tas de choses, des machins. Donc, s'il y avait quelque chose... Bah, c'est disparu. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Ah oui. C'est dommage. Est-ce qu'elle est classée, cette église, cette cloche? Non. Non, elle pourrait. C'est vrai qu'elle pourrait. Elle pourrait être classée. Ouais, ouais, ça, c'est quand même assez rare d'avoir une cloche aussi. C'est vrai, je pourrais demander. Et surtout aussi identifiable. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Ça pourrait. Je ne sais même pas si elles sont aussi vieilles à Notre-Dame. Ah, si, quand même, je pense. Si, je plaisante. Si, vers 1100. Ouais, si. Donc, on a une fresque. Oui. On a une cloche. Oui. On a quoi d'autre? On a l'autel originel de l'église. Il est comment? Il est en pierre, avec une grosse dalle de gris. Mm-hmm. Alors c'est pareil, c'était une découverte fortuite, parce que quand moi je me suis occupée du nettoyage de l'église, il faut savoir que le maître autel en bois était très abîmé par l'humidité, vermoulu. Donc il y avait une estrade devant tout en bois et qui menaçait qu'on passe à travers. Ouais. Et je m'entreprends toujours pareil avec l'aval de monsieur le maire de changer ces planches pour éviter qu'on se blesse. Mm-hmm. Et en enlevant les planches vermoulues, je découvre qu'en dessous il y a comme un sol avec des grès et des tomettes anciennes. Et en défaisant celle qui s'approche plus de l'autel, je me rends compte qu'il y a un mur à l'intérieur. Et donc, je l'explique à monsieur le maire et il me dit, je crois que je sais ce que c'est. Enlève tout. Enlève tout le bas de l'autel, ne conserve que le haut. Et du coup, apparaît l'autel d'origine de l'église qui était enfermé dans cet autel en bois. Et là, par contre, j'ai retrouvé dans des documents des archives départementales de l'Aube. De l'Aube. Oui, parce qu'il faut savoir que les églises, avant, je ne sais plus quelle époque, elles appartenaient tous au diocèse de l'Aube, à l'évêché de l'Aube. Et elles sont revenues à la Marne qu'il n'y a pas si longtemps, peut-être bien à Vatican II, quelque chose dans les années 60. Voilà. Mais ça, je ne suis pas trop. Voilà, c'est réforme de l'église. Mais je sais qu'elle a. Voilà, toutes les églises appartenaient à l'évêché de l'Aube. Et donc, j'ai retrouvé donc, que c'était, cet hôtel s'appelait l'hôtel Saint-Éloi et qu'il avait été abîmé pendant les guerres de religion. Elles avaient été détruites par les protestants qui voulaient le supprimer parce que c'était voilà, un hôtel catholique. Et que, du coup, par souci de protection, les villageois l'enferment dans le bois. Le cache dans l'hôtel en bois. Ok. Voilà. Est-ce que. Alors, dans beaucoup d'églises, dans le bouquet d'églises, il y a des. Comment on appelle ça? Des défunts qui sont soit des seigneurs qui sont enterrés dans les églises ou des prêtres. Est-ce qu'il y a le même cas Ah oui. Oui. Il y a un caveau. Alors, à l'intérieur de l'hôtel en pierre, je ne sais pas si c'est un hôtel tombeau. J'en sais rien. On n'en a aucune idée. Et puis, je ne vais pas m'amuser à l'ouvrir. On va ça serait profaner une tombe s'il y avait quelqu'un dedans. Ce n'est pas le but. Moi, l'important, ce qu'il a, c'est que c'est un très vieil hôtel et qu'il n'y en a pratiquement plus. Il en existe pas. On a encore une fois une chance inouïe d'avoir conservé de l'ancien. Je sais de par la restauratrice que la dalle qui se trouve sur l'autel, c'est une récupération de l'ancien lieu de culte mérovingien qui se trouvait avant l'église catholique, qui a été réutilisée. Donc c'est une dalle de sarcophage mérovingien qui a été réutilisée pour faire la pierre d'autel et retaillée. Donc ils utilisaient les moyens du bord, en prenant les pierres locales, les choses trouvées, pour et puis après, par la suite, ils l'ont peint. Donc il y a des vestiges de peinture également dessus, où on peut voir une croix maltaise, un vestige de croix maltaise. L'ordre de Malte, c'est ça. Et cet hôtel, toujours pas classé? Ah bah, il fait partie des murs. Ah, il fait partie des murs. Là, il fait partie des murs. Ah oui, donc, après, la cloche, elle peut être, comme vous dites, la cloche peut être classée par le biais qu'elle est enfermée dans un mur, le clocher. Donc, tout ce qui est mur et qui est entre, c'est une protection quelque part. Le bâtiment lui-même, il sert de protection. Vous allez donner forte envie aux chercheurs, découvrir plein de choses comme ça. Vous avez dû passer de très, très belles journées dedans. Oui. Une passion. Et l'hôtel est bien mis en valeur pour qu'on puisse voir cette croix, par exemple, Tout à fait. Justement, les vestiges de ces croix ont été restaurés également par les restauratrices. Et donc, oui, elles sont bien visibles. Oui, pour quelqu'un de passionné, c'est... Et puis, une trouvaille en amène une autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, l'hôtel, donc la cloche, donc la fresque, et puis quoi d'autre? Mais quoi? C'est la suite. Il y a d'autres peintures. Ah, il y a d'autres peintures. Oui, j'ai gratté tous les murs. Tous les murs sont. J'ai gratté tous les murs de l'église. Oui, oui. Maintenant, il faut chercher sous l'église. Oui. J'aimerais. Mon rêve, ça serait de découvrir une crypte, mais vu la configuration de l'église, ça m'étonnerait. Ça a peut-être été recouvert. Non, parce que si vous voulez, quand il y a crypte, ça veut dire qu'il y a fondation. Et l'église demeure, elle est pas, elle n'a pas de fondation. Elle est sur pilotis. Elle est sur le sol, à même le sol, et elle se sert de l'humidité du toit et de ambiante de la terre pour tenir en place. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop qu'on la sèche, parce que sinon elle craquerait. Et elle se sert du mouvement d'argile, parce que c'est des terrains argileux qu'on a tout autour, pour rester en place. Le chef-d'œuvre. C'est toute une connaissance qu'il faut. Des sacrés ingénieurs, dans le temps. Il faut vraiment tenir compte de ce qu'ils ont pensé eux avant. C'est ça. pour pas nous faire de bêtises et détruire notre patrimoine maintenant. Également pour les fresques. Les fresques, vous ne pouvez pas chauffer l'église. Si vous chauffez l'église, ça va assécher. Et les fraises vont tomber en poudre. Ils vont retomber en poudre. Ils ont besoin, pour vivre et perdurer, de garder l'humidité qu'il y a dans les murs. Et c'est ça qui leur permet. Et par contre, elle a dû par moment être chauffée, mais grâce à la chaux préservée, parce que sinon. C'est ça. Ça aurait tombé aussi. Oui, bon, il la chauffait sommairement, je pense, parce que bon, j'ai quand même eu des conversations avec des prêtres qui ont été là dans les années 50, 45, 50. Qui me disait qu'il mettait un poêle à l'endroit où il faisait les messes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, puis, mais c'est pas ça qui va esquinter. Non, c'était pas ça qui allait esquinter. De toute façon, une église, c'est pas chauffé à plus de 15-17 degrés comme un château. Hein. Généralement, ils mettent des petits machins en hauteur, là, et puis ça chauffe un petit peu. C'est impossible à chauffer. Hein. Même quand il y a le chauffage. Ah ben, bah, l'épaisseur de la pierre et tout. Bah, tu prends le château de la Motille, il est jamais chauffé au-dessus de 15 degrés. Ils n'arrivent pas. Non. Ils n'y arrivent pas, c'est impossible. Par contre, c'est bien utile l'été. Ah oui, il fait très chaud. Il fait bon. Ah, on est bien. Ah oui, bah oui, c'est clair. Il fait bon. D'autres petites choses découvertes ? Non, pas. Non, je pense que j'ai fait. Mobilier ? De choses. Dans le mobilier. Après, c'est vrai que j'ai cherché beaucoup dans les documents et j'ai retrouvé des traces d'enterrement, des lieux où sont enterrées les personnes. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a un seigneur qui est enterré dans l'église ou un prêtre ou alors, un curé? Oui, il y a deux prêtres qui sont enterrés. Ça, on les a retrouvés. Ouais. Avec une dalle apparente Non, c'est des inscriptions sur les murs. Ok. Et puis, j'ai une autre inscription d'un enfant aussi qui est enterré. Avec une date, et puis diverses dans un petit livre qui a été écrit par la Bénéret, qui répertorie justement les endroits où étaient enterrées diverses personnes. Alors, ce n'était pas forcément des seigneurs, parce que, bien sûr, il y en avait, mais il y avait aussi des gens qui rendaient des services et qui devaient certainement faire partie de la fabrique, et qui avaient ce privilège d'être enterrés également dans l'église, quoi. Ok, c'est intéressant, c'est beau ça. Donc là, on a découvert ce qui a été découvert. Voilà. On a redécouvert. On redécouvre. Et puis, on va repartir un petit peu en pause musicale. Mais, les dédicaces. Et puis, ouais, les dédicaces. Ouais, et puis, on va. Ça s'accumule. Bon, allez, je vais te donner la parole et après, on revient sur quelque chose de beaucoup plus récent, l'organisation de la fabrique. D'accord ? D'accord. Allez. 20-20, c'est à toi. Oui, alors je vais commencer par une assez rigolote, venant de notre Jeff national, quoi. Hein? Non, tu peux passer, c'est bon, merci. D'accord. Ah, ça serait dommage, tu vas regretter, toi, si je passe. Ah, je le sens. La bonne journée à vous, gentes dames, et à vous, messire. Il me serait gré d'huire les ménestrels chouki et aviva. Que Dieu vous ait en sainte garde. En cette journée ensoleillée, merci d'abonder en notre sens. Chevalier Jean-François et sa fille, princesse Léonore, j'allais dire Léo. Il est excellent. C'est du Jeff. Jean, encore une belle émission à M. Loïc et son équipe. La bonne humeur au rendez-vous, c'est sympa. Et quelle belle découverte. Merci Jean. Oui. Johan, j'ai bien adoré le concert hier soir. Bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, une bonne émission m'accompagne sur la route. Merci. Voilà, merci. J'ai Marie pour Sophie. Bon dimanche après-midi, je pense fort à toi. Bon, bah ça, c'est personnel. Et merci à l'équipe de la radio pour le travail fait. J'adore cette radio. J'écoute tous les jours. Merci, Marie. Comment tu l'as payé? Lucas. Ah non, ma chérie. Petit coucou en direct pour te souhaiter une belle journée. Bah, il y a des messages aussi. Julien, merci à la radio pour cette belle ambiance dominicale. Oui, ça, c'est. Ça tombe bien, t'es le dimanche, c'est dimanche. Claire et Ben, ce message pour te faire sourire en ce dimanche après-midi, mon petit Pierrick. Ouh, c'est. Attention, là c'est chaud là. Respect à l'équipe de la radio pour le travail fait et bonjour au patron qui me fait bien rire avec le tu es viré. J'adore. Ah, Patrick. Ça reste. C'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. La fabrique. Et à Clarisse aussi, un petit coucou à tous les auditeurs en ce dimanche. Merci Clarisse. Un grand salut à toute la Champagne. Passez un excellent dimanche. Ça, c'est Sonia. Et il m'en reste deux. Valise presque prête. Radio à fond. Départ en vacances pour une semaine direction les Vosges. On vous écoutera aussi là-bas. Bon dimanche à vous, Michel de Torcy. Bonnes vacances. Ah oui, Michel. Oui, bah oui, on l'a souvent. Et Sophie de Romilly pour terminer. Plein de bonnes ondes sur l'antenne aujourd'hui. J'adore la mission du dimanche. On rigole bien et vous passez de belles chansons. Merci Sophie. Merci. Voilà. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Oui, il y avait de quoi faire. Allez, on poursuit en musique avec Dans la lune au fond de l'eau. Et après, Madame avec Propriétaire. Chanson que vous n'aviez pas pu entendre dimanche dernier pendant l'émission spéciale Québec. Allez, à tout de suite. Grand ami. seul à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Retrouvez toutes nos infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. Vous êtes toujours sur Antenne 87 et votre émission préférée du dimanche, Antenne Dimanche, avec notre invitée Nathalie Dano. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Et toujours les deux affreux, hein, bonjour. Sylvain et Loïc. Ils sont gentils. Ils font pas mal, ils mordent pas, hein, t'inquiète pas. Pas de soucis. On a pris nos traitements. Même pas peur. Bien, Nathalie, présidente de l'association La Fabrique de l'Église Saint-Martin, demeure. Meur Verdé, hein, demeure à Meur. Tu demeures à Meur. L'association demeure à Meur. Tu demeures à Meur. C'est l'après-midi, c'est le petit coup de ouais, nuit, 16h. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. C'est ça. Ça va aller ? Oui. On continue ? On continue. Bien, on a parlé des découvertes. Mais comment s'organise concrètement le travail du coup de ces découvertes avec l'équipe de la fabrique ? En combien vous êtes ? Déjà, combien vous êtes ? Alors, en comptant les adhérents, donc on est 29 membres. Ouais. Mais dans ces 29 membres, il y a 10 membres actifs qui, eux, principalement... gratouillent ou... Non, c'est fini ça. Non, on n'a plus le droit. Depuis qu'elle a été inscrite au monument historique, on n'a plus le droit de toucher les murs. Donc non, on l'entretient. D'accord. On entretient, on restaure des choses qui ont été abîmées. On fait on organise des concerts. Hein, on reçoit donc Malvine Deluze à l'occasion. Oh tiens donc, c'est qui celui-là? Et pas que. J'en ai fait plusieurs. On en a fait plusieurs des concerts et tout ça. Là, depuis 2 ans, l'association a voulu se diversifier. Donc, à l'occasion des Journées du Patrimoine, en dehors des ouvertures, on a organisé 2 rallyes qu'on a appelé le Rallye des Vallons. Donc, on était un petit groupe de. On s'est associé à d'autres communes et on faisait faire un parcours avec des questions relatant nos patrimoines respectifs. Ça avait bien marché. Ah oui, première édition très bien marché, la deuxième également. Mm-hmm. On en redemande une troisième. Bon, à réfléchir. Mais oui. Ça prend du temps. Mais c'est toujours un plaisir. C'est une passion. De faire partager, oui. Et de faire vivre. De faire vivre aussi, ouais. Son patrimoine. Mais ça reste un investissement, ça c'est sûr. Il faut préparer, il faut y aller. C'est un investissement personnel, oui. Mmh, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Soi-même, parce que. Là... Mais vous devez passer de très bons moments dedans. Mais quand on aime ça et puis qu'on. Nos idées se rejoignent, parce qu'on aime. Les personnes aiment leur patrimoine, et donc on a envie de les faire connaître. Oui, parce que vous ne faites pas ça pour la gloire. Non, du tout. Voilà, c'est vraiment... Ça ne raconte rien. Là, pour le coup, on ne fait rien payer. C'est du bénévolat pur et simple. Là, c'est vraiment partager vos découvertes, faire vivre le lieu. Là, je pense qu'il doit être un peu plus connu qu'avant, qu'il y a 10 ans. Ah, un oui. peu plus de 10 ans, 15 oui. ans. Oui, parce qu'on a eu quand même des visuels, si on veut, les radios. Oui, quand tout ça, ça a été découvert, tu as fait le tour des la médias. La télévision, oui, j'ai fait le tour des médias. Oui. Radio, télé, journaux. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui encore des revues, des tas de revues sur cette fresque qui a été vraiment... Vous ouvrez donc l'église au public ? Alors oui. Il y a des visites qui s'organisent. Elle n'est pas ouverte tous les jours, parce qu'on préserve justement ces fresques de par justement sa position avec la station totale. Oui. On préserve en fermant la porte. Mmh. Et les gens, par contre, on travaille. L'association est adhérente de l'office de tourisme de Cézanne. Oui. Et donc, ils font, si vous voulez, le lien entre. Avec moi, quoi. Mmh. Voilà. Quand quelqu'un désire la visiter, il m'appelle ou alors il s'arrange pour que. Par le biais d'un mail, prendre un rendez-vous. Ouais. Et voilà. On peut vous contacter comment ? Alors justement, devant l'église, j'ai fait mettre un panneau. Mm-hmm. Et dessus, il y a mes coordonnées. Comme mes possibilités d'ouverture, parce que je travaille encore, j'ai encore pas le privilège d'être retraitée. Donc il faut que je prenne aussi sur mon temps de vie privée. Bien sûr. Pour la... côté. Donc je l'ouvre le week-end, samedi, dimanche et les jours fériés. T'es la seule à faire les visites? Alors je suis la seule à faire les visites malheureusement parce que les membres de l'association, dont les 10 principaux qui œuvrent au complet, sont incapables, enfin se disent incapables, je pense pas, ils pourraient le faire, mais. Oui, au bout de 10 ans, ils connaissent l'histoire. Oui, donc ils peuvent... mais il y a toujours l'intérêt, comme me disent les visiteurs, c'est que ça soit raconté par moi, l'inventeuse de la fresque. Ça, alors ça s'appelle l'inventeuse. Alors, oui, ça s'appelle l'inventeuse quand on découvre quelque chose. Elle n'a pas peint la fresque, on précise. Non, mais c'est le terme employé, ouais, quand on découvre quelque chose. Très âgé. Et donc les gens veulent l'entendre de ma voix, quoi. D'accord. Parce qu'apparemment, je transmets ma passion. C'est beau. À travers mes descriptifs et voilà. Donc église ouverte. Donc oui, pardon. Non, on peut donc sur la porte de l'église, il y a toutes les coordonnées. On peut aussi retrouver le site internet de l'église. Oui. Il y a un site internet. Alors le site internet est relativement long. Je vous invite à aller dans les moteurs de recherche et taper la fabrique de l'église Saint-Martin-de-Meur. Ça vous dirigera directement sur le site internet. Et vous allez avoir vraiment l'ancien... Ça, c'est l'ancien hôtel. Je suis sur le site et je montre en même temps à Nathalie. Ça, oui. C'est l'ancien hôtel. Oui. Donc, l'ancien. Vous avez l'ancien hôtel, vous avez un vitrail et puis vous allez vraiment avoir ce qui a été découvert, l'hôtel... L'hôtel ouais, ancien, enfin l'ancien, plus ancien. Voilà, il y a pas mal de choses à découvrir. Il y a plein de chapitres en haut, ouais, à ouvrir. Oui, oui, oui. Et vous allez voir même les différentes restaurations. Par exemple, la fresque, voilà, quand moi je l'ai découverte. Mm-hmm. Et puis après, quand les restauratrices l'ont nettoyée. C'est ça. Voilà. Voilà, donc une fois nettoyée, il y a toutes les couleurs qui ressortent merveilleusement bien. Donc vous pouvez découvrir tout ça déjà. Pour vous faire un avant-goût sur le site internet et après découvrir de visu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ouvert au public, donc on vient de le dire. Il y a des événements qui se font dans cette église. Donc, on l'a évoqué, j'ai fait la nuit des églises dans cet édifice. Il y a d'autres choses qui se sont faites. Il y a d'autres concerts, il me semble qu'il y avait eu d'autres concerts. Alors, j'ai eu 2-3 concerts avant vous. C'est bien, j'aime bien vous voir. Ça te vit bien. Et donc, bon, de différentes natures. Ouais, ouais, ouais. Par contre, toujours un respect et une autorisation demandée à l'évêché de Châlons. C'était ma question suivante. Vous avez quelles sont les relations avec les institutions religieuses entre la fabrique et les institutions religieuses? Ça doit bien se passer, je pense, parce que là, il y a un très bon relationnel. Il y a l'entretien d'un patrimoine, donc ça doit bien se passer. De ce fait, nous avons fait une convention tripartite pour se répartir justement l'entretien et l'utilisation de cet édifice. Mm-hmm. Hein, donc tripartite, à savoir l'affectataire, qui est la paroisse et l'évêché, mm-hmm. Le propriétaire, la commune, et l'utilisateur, la fabrique. Donc, quand l'un ou l'autre utilise ou toi, doit rendre les comptes à l'un voilà, et à l'autre. Le signaler pour pas interférer dans les différentes. Donc, quand moi je prévois un concert ou autre, mm-hmm. j'en avertis l'évêché pour que si eux ont fixé un baptême ou un bien enterrement sûr. Ou que ça ne. Ça n'impatit pas dessus. Voilà, que ça ne soit pas gênant. Mm-hmm. Ça, on n'empiète pas voilà, sur le rôle de chacun. Interprété, bien entendu, aussi dans l'église. Soit oui, approprié. Tout à fait. Oui. Il n'y a oui, pas oui, aussi oui, que toujours. Pour le fait des dates, ils vous ont jamais dit faire de la musique dans un endroit comme ça avec la fraise, ça peut abîmer ou je sais pas, non. Oh non, du tout. Non, oh non, non, ça n'a rien. Non, parce qu'on ne sait jamais. Non, non. Oui, t'as raison, c'est vrai que des fois. Pour être honnête, j'ai pas gueulé assez fort pour décrocher les pigments. Ça, on le sait. Non, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Surtout pas la chauffer. Non. Parce qu'on m'a déjà demandé à faire des concerts l'hiver. Ouais. Mais j'explique bien que c'est impossible de chauffer l'église, même partiellement, même léger, ouais. Pour protéger la fresque. Mais comme je vous dis, toujours le respect de l'évêché et de la paroisse. Donc j'entretiens mm-hmm. une relation avec monsieur, avec le père Véju, oui. Hein, avec qui on échange cordialement. Et surtout, un respect de ce qui est diffusé dans l'église. Pas question de faire des concerts de rock ou de choses comme ça. Non, toujours un respect de cet endroit. Bien sûr. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Non, c'est comme un lieu religieux. Tout à fait. Hein, et puis qui, surtout que bon, il y a toujours des cultes hein, depuis la réouverture. Oui, j'allais vous demander. Il y a toujours des offices qui se font. Et alors, des... qui se refont. Qui se refont. Oui. Depuis la réouverture. Depuis 2013, l'Église aide de nouveau les prêtres qui reviennent faire toutes les offices, mariage, baptême et enterrement. Et justement, pour la petite anecdote, c'est que quand donc, j'ai réouvert cette église et que le prêtre de Cézanne a eu la joie de voir qu'elle était redevenue accueillante, je lui ai demandé de faire le mariage de ma fille. Donc en 2013, et donc c'était l'édifice qui a été refait après toutes ces cette fermeture. Et là, on a fait sonner la cloche. Ah, oui, parce qu'elle la seule et unique fois. La seule et unique fois. Parce qu'elle sonne pas. Alors on la sonne plus parce que donc je l'ai fait vérifier par un campaniste hein, qui a été vérifié donc le beffroi. Le sable, le mouton, qu'ils appellent ça, c'est ce qui se passe au socle de la cloche. C'est ça le support. Ouais. Pour voir si elle était bien, voilà, si le beffroi n'était pas fissuré, c'est vraiment une sécurité. Et le seul petit bémol, c'est le bâton. Ouais, bâton de la cloche qui a un cuir qui tient et qui est du 16e siècle et donc qui a fragilisé. Donc il m'a conseillé fortement de ne plus la bouger. Non pas que. Voilà, c'est simplement pour éviter que le bâton se décroche et aille tuer la personne qui tire la corde en dessous. Ça serait dommage. Et ça serait dommage. Donc. À l'occasion, peut-être un jour, si les fonds le permettent, restaurer la faire ou restaurer, changer le ou électrifier, oui, automatiser, automatiser. Comme ça, parce que bon, c'est pareil. Il disait qu'une cloche du 16e, il faut la préserver, quoi. Le fait de l'électriser, justement, ça va pas gâcher, électrifier, pardon. Ça dépend parce que là, c'est un petit marteau qui tape bon endroit. C'est étudié, hein. Des professionnels qui font ça. Ça hein. transforme pas. Non. Mais bon, mais on évite de la bouger parce que dans sa lourdeur, voilà. Puis le tintement n'est pas le même. Les cloches avant révolution, le tintement n'a rien à voir. Avec celle qu'on entend aujourd'hui. Et puis, pour l'instant, on n'a encore pas fait d'appel à la population pour savoir s'ils veulent de nouveau entendre la cloche. Ah oui, parce que ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu litigieux, c'est vrai. Ouh là là. C'est vrai. Voilà. Comme le coq. Ouais. C'est ça. Sinon, vous mettez en roue et vous faites ding-dong le matin. Hein. C'est une solution. Oui, oui, ça sans danger. Bien, nous allons passer à la petite pause. 20-20, tu n'as pas de... Deux petites. Thomas, allez. Bon dimanche, bravo pour vos hits. Merci Thomas. Ah. Et Pat, aujourd'hui repos, mais avec vous depuis ce matin, bon dimanche du côté de la Suisse. Bonjour. Bonjour les Suisses. Oui, bonjour les petits Suisses, effectivement. Allez, je vous propose de repartir en musique. On fait une petite pause musicale avec Dernier Baiser et après on aura Desire. Il est 16h, passé de 14 minutes. Vous êtes toujours sur Antenne Dimanche. On se retrouve tout de suite après la musique. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage. cette plage. Seul à proposer ça, alors restez à l'écoute. Bah ouais, on est les seuls à proposer ça. Eh oui, on est les seuls. Comme la fraise. Café. Comment ? Qui Qui? Non, qui, quoi? Qui a dit, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qui a les oreilles dans le plat? Nathalie. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. T'as oublié de dire quelque chose? Oui, j'ai oublié de dire qu'on faisait aussi l'association, on organisait aussi les marchés de Noël. Dans l'église? Oui, non. Alors au début, oui. Les premières années, on les faisait, ouais, le marché de Noël dans l'église. Mais ça caille. Ouf, de ouf. De ouf. Et alors, au début, on supportait bien, hein, parce qu'on était plus jeunes, mais avec l'âge, on devient frileuse. Allez, mamie. Et du coup, on est devenu raisonnable et on s'est dit, on va faire ça dans la salle communale de Meurverdé. Mm-hmm. Et donc, on organise ça le dernier dimanche de novembre. Ok, ça voilà. Fait combien d'années maintenant? Ça, ça doit faire... Dès le début, vous l'avez fait ou... Bah, dès 2013, dès la création. Ouais. Et du coup, par contre, dans la salle, ça doit faire 4 ans. Voilà, donc on fabrique des objets. Fait là, main, le terme enfin, fabrique prend tout son sens. Voilà, c'est ça. On fait là, on fait plein de petites fabrications fait main. Voilà, on vend des pâtisseries. Voilà. Mais fabrication main sur du bois. Sur du bois, de la couture, des objets, des tissus, enfin plein de choses variées sur le thème de Noël ou autre. Et le bénéfice donc de cette vente est réinvesti totalement dans les restaurations du mobilier. Ça permet de autre. Ouais. Alors, des petits fonds pour restaurer. Ouais, parce qu'on a fait déjà pas mal de restaurations. Mis à part la fresque, mais vous alors avez... c'est pas vous qui avez restauré la fresque, mais qu'est-ce que vous avez restauré Alors nous principalement, notre rôle, donc si la commune, elle, finance les gros travaux du bâtiment, et également les restaurations de peinture murale, nous, l'association de l'église, on entretient les statuaires, le mobilier... ça nous est arrivé également de restaurer des vitraux, l'année dernière c'était les boiseries, le Christ en bois, enfin plein de choses. Mais quand on restaure les vitraux, évidemment on demande l'autorisation à la mairie. Parce qu'évidemment, les vitraux sont partie des murs. Mais bon, voilà, donc on a fait beaucoup, beaucoup de restaurations dans l'antel de Marie. Mobilier, vitraux, on connaît la... Statuaire et tout ça. On connaît la date du mobilier? Alors, on a du mobilier. Alors, les boiseries, elles sont du 17e. Mmh. On a restauré un Christ en bois du 16e siècle. Les vitraux sont du 19e. Mmh. Voilà, donc... Récent quand même. Les vitraux sont récents. Oui, c'est des grisailles du 19e. Ouais. Ouais. Le seul vitrail restant du 16e siècle, c'est un médaillon qu'on a dans la nef, qui date du 16e siècle. L'église de demeure est classée au monument historique? Alors inscrite. Inscrite, pardon. C'est différent. Quelle est la différence alors entre inscrite et classée? Alors inscrite, ça veut dire qu'elle appartient encore à la commune. Ok. Et classée. Elle appartient au monument historique. Et où est à l'État. À l'État. Mmh. Et nous, on ne voulait pas se déposséder de notre église. Donc, on a accepté l'inscription au monument historique. Mais Monsieur le maire a demandé également à rétrécir le périmètre historique. Mmh. Parce que généralement c'est 500 mètres autour de l'église. Mais si ça avait été 500 mètres, là ça prenait toute la commune de Meurs. Et donc ça embêtait les gens pour X travaux de, pour tout, sur leur maison et ainsi de suite. On le voit sur certaines communes qui l'ont. Donc monsieur le maire a fait en sorte et a réussi à avoir le périmètre adapté. Et donc ça se cantonne principalement à l'ancienne mairie-école, qui est juste à côté, l'église, le château, et une parcelle qui se trouve en contrebas. Et d'accord. Comme ça, voilà. C'est pour ça que le château, qui est en restauration actuellement, doit refaire à l'identique de son époque, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, le fait d'être donc inscrit au monument historique, qu'est-ce que ça a changé pour cette église? Alors, changer... Ça a des avantages, des inconvénients? Les deux. Et qui sont? Alors les avantages, tiens, on va commencer par le positif. Les avantages, c'est la reconnaissance déjà du bâtiment, de montrer sa valeur, parce que quand on a le logo monument historique, que j'ai fait moi à poser avec la mairie, on voit que c'est une église qui a une valeur historique, une valeur patrimoniale, avec quelque chose, un intérêt. Mmh. Et donc, ça permet, voilà, un visuel. D'autre part, on la protège. C'est une église par le fait que si quelqu'un voulait la détruire, elle est protégée quelque part. Oui. Hein. Et puis, par contre, le petit inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, hein, c'est que quand on veut faire des travaux dedans, on est obligé de demander. L'accord des monuments. L'accord de CELUDAP à Reims. Mmh, mmh. Mais bon, généralement, ça passe bien parce que on expose bien ce qu'on veut faire. Vous allez toujours dans le sens pour remettre en valeur à l'état d'origine. C'est ça. Donc, on a toujours fait en sorte d'utiliser les mêmes matériaux. Ouais, voilà. Ne serait-ce que quand on a fait les badigeons il y a 3 ans dans le chœur, la restauratrice nous avait donné le dosage. Le dosage de chaux et de pigments à adapter pour retrouver la même nature que l'origine. Et donc, on a suivi à la lettre ces dosages pour refaire les badigeons. Ça dépend aussi de du DAP de Reims, c'est ça, non? Oui, oui. Ah oui? Et c'est pas trop compliqué. Et c'est compliqué. La DRAC, l'UDAP, la DRAC, tout ça, c'est. C'est pas trop compliqué de retrouver le savoir-faire ancestral. Parce qu'il y en a, il y a des choses, c'est certi au burin à froid, enfin, il y a du travail derrière, il y a de la connaissance. Ah oui, mais il y a des traces quelque part. Mais on emploie. Déjà, les restaurateurs, elles ont étudié. Elles étudient les couches, tout ça, les façons dont ont été faites. Et puis, on prend toujours aval et on prend toujours des personnes du genre les compagnons. Compagnons. Oui. C'est une valeur sûre. Compagnons du devoir. C'est une valeur sûre. Qui connaissent les techniques anciennes et qui savent travailler et qui sont autorisés à travailler sur ces édifices quand on est inscrit. Oui, parce que c'est pas l'artisan. Vous ne pouvez pas faire intervenir n'importe quel artisan. Heureusement. Heureusement. Parce que la fresque serait repeinte, comme disait Vavin, à la gouache. Par le mâche pro du guidon. Malheureusement, il y a eu des églises où ils avaient fait intervenir des personnes étrangères. Qui n'avaient pas vraiment de connaissances et qui ont gâché. C'est dommage. Ah oui. Ça s'est vu sur aussi certains châteaux qui ont été refaits par des gens qui ne savent pas faire forcément. Voilà, c'est ça. Et tout a été bâclé. C'est dommage. Et ça perd. Ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur et les monuments historiques, ils enlèvent l'accréditation. C'est ça. Donc c'est dommage. Ah oui. Tout ce travail pour en arriver là, c'est un peu. Oui, ça se comprend que ce soit contrôlé aussi, ça c'est normal. Vavin, tu reposes ton tube de gauche. Ah, d'accord, ok. Je vois, on parlait donc des restaurations de,